Au moment où j'écris ce texte, j'ai envie de parler de mes souvenirs. Un brin de nostalgie, voilà ce qui est en train de m'envahir. Je préfère prévenir d'avance, peu de gens seront en émoi. Seulement je dois le faire pour l'album, car mon album c'est moi. Un brin de nostalgie, quand j'écris je soupire et je souris. Je devrais peut-être m'arrêter là, seulement je n'en ai pas envie. Je veux parler de mes proches, ce couplet c'est pour mes potos. J'ai un grand sac à vider, alors je vous dédie ce morceau. Je me rappelle de la maternelle, j'ai rencontré les premiers. Ce n'est pas très intéressant, alors je vais pas détailler. J'en arrive aux années collège, le début des meilleurs. On s'y fait des amis, le groupie a pris de l'ampleur. Je me rappelle des parties de rugby, on squattait le jardin d'Alexis jusqu'à ce que le soleil brille plus, toujours dehors à minuit. Et au stade de Montsnéen, on roulait les mécaniques. On s'échangeait les 50, c'était le kiff, c'était magique. Après les années lycée, chacun son orientation. Attendre le week-end devient ma nouvelle occupation. Il y avait les journées 3-3, on squattait le parc de la Verrie. On vidait un pack de bière, ça nous passait l'après-midi. Et plus récemment, il y a eu l'époque Saint-Laurent. On a dépensé des thunes, mais on y passait de beaux moments. À se raconter la semaine, à prévoir les futures soirées. Dommage que le bar est devenu trop laid, ça m'a dégoûté. Tout ça pour dire qu'avec ses potes, j'ai bien profité. Mais tu peux remarquer que dans cette mesure, je te parle au passé. Car maintenant c'est différent, il y a eu un petit changement. À croire qu'on a perdu le goût, se fréquenter comme avant. Il y a eu 2-3 embrouilles, ça m'a gavé, ça m'a saoulé. Maintenant je suis plutôt du genre à laisser couler. Malgré tout, j'ai essayé de maintenir une certaine unité. Seulement j'en ai marre de ne pas voir mes efforts récompensés. Il y a quelques temps, on se disait ensemble à 50 ans. Mais ceux les vrais sont prêts maintenant à tenir cet engagement. Attends, j'ai envie d'y croire, avoir une lueur d'espoir. Il y a eu de bons moments, je pourrais t'en raconter des histoires. À une certaine époque de ma vie, je me sentais au plus mal. Ils ont tous été présents pour me remonter le moral. Quel que soit l'avenir, ça restera gravé dans ma mémoire. Je n'oublierai jamais, donc ce couplet n'est pas un au revoir. Avec eu tant de souvenirs que je veux pas oublier. Tant de délires que le temps ne pourra supprimer. Dans les joies, dans les peines, on a su se lier. Vous êtes là pour moi, moi pour vous, je voulais que vous le sachiez. Et je n'oublie pas les autres, fidèles en amitié. Je ne peux pas tous vous citer, cette mesure vous est dédiée. Sur terre vous êtes ma richesse, en toute sincérité. Si un jour vous en doutez, dans ce morceau se trouve ma vérité. Mais que serait ce texte si je ne parlais pas de mon sang? Ma famille que j'aime tant, je veux leur dire ce que je ressens. Et là je pense particulièrement à ma mère, à mon frère. Leur présence m'est vitale pour que je puisse profiter sur cette terre. On a dû se serrer les coudes quand on a traversé le pire. Mais on a surmonté l'épreuve ensemble, on a retrouvé nos rires. Je vous dédie ces vers pour que vous sachiez ce que je pense de vous. Que vous sachiez également que pour moi vous êtes tout. Toi mon frère, rappelle-toi, petit on s'est disputé. L'important est que l'on se soit toujours réconcilié. J'ai pu percevoir dans ton attitude l'envie de me protéger. Peut-être as-tu vu dans la mienne l'envie de te ressembler. Mais les années ont passé, on a grandi, on a mûri. Je ne vois que cette complicité qui fait qu'on reste unis. Quoique même maintenant il t'arrive encore de me faire la leçon. Mais bon, je connais ta raison, la disparition du daron t'a endossé malgré toi. Le rôle de chef de famille était toujours là, à veiller que je ne parte pas en vrille. Papa serait fier de toi. Tu es le grand frère qui n'incite pas, celui qui s'inquiète de moi, celui qui est toujours là. Je te vois agir avec les jeunes, sérieux, je te trouve génial. Je reste convaincu que plus tard tu seras un père phénoménal. Quoi qu'il arrive, frangin, tu pourras compter sur moi. Je te le dis pas assez, mais je t'aime surtout, n'en doute pas. Et toi, maman, toi, tu es la femme qui m'a donné la vie. Mon éducation vient de toi, c'est une fierté qui me remplit. Tu m'as bercé, tu m'as nourri, tu m'as élevé, tu m'as souri. Je ne l'ai pas assez fait, alors je te dis merci. Il y a certainement des fois, tu t'es privé d'une passion. Pendant ce temps-là, je faisais des choix indignes de ton éducation. Dans tous mes projets, tu n'as fait que me soutenir. Même si je rentre tard le soir et que je t'empêche de dormir. Car t'es plutôt du genre à ne pas dormir quand je sors. Une vraie mère poule qui a toujours peur du mauvais sort. Ça fait 6 ans maintenant que tu élèves toute seule tes deux fils. Tu n'as jamais lâché, jamais craqué, ni sombré dans le vice. Tu as su rester forte, malgré ce poids sur tes épaules. Tu restes indépendante, reconnais-toi dans ces paroles. Car mes paroles sont ce que je pense, alors sache que je t'adore. Et que j'ai conscience d'avoir la chance d'avoir une mère en or. Avec eu tant de souvenirs que je veux pas oublier. Tant de délires que le temps ne pourra supprimer. Dans les joies, dans les peines, on a su se lier. Vous êtes là pour moi, moi pour vous, je voulais que vous le sachiez. Et je n'oublie pas les autres, fidèles en amitié. Je ne peux pas tous vous citer, cette mesure vous est dédiée. Sur terre vous êtes ma richesse, en toute sincérité. Si un jour vous en doutez, dans ce morceau se trouve ma vérité. Un brin de nostalgie, quand j'écris, je soupire et je souris.